Kanyangi. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Voici les grands titres de cette édition. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, dénonce l'attribution des marchés pour les importateurs de carburant. Mais le gouvernement parle des stocks pleins de carburant en Tanzanie, en direction du Burundi. La Fondation pour le logement du personnel FLE, du personnel enseignant FLE, parle de plus de 100 milliards de francs burundais de crédits déjà distribués à près de 19 000 enseignants membres de cette fondation. Dans cette édition, on vous parlera également du relâchement de cet élève de la commune Nega, Christella Ndayishimiye, emprisonnée pour violation du secret professionnel selon le tribunal de grande instance de la province Kirundo. Les détails sont dans cette édition mise en ordre par Anselme Irambona. Page gouvernance pour débuter cette édition. Il y a du carburant suffisant dans les stocks du Burundi en Tanzanie. C'est là l'assurance de la porte-parole du chef de l'État burundais au cours de l'émission publique tenue la semaine dernière. Rosine Guilaine Gatoni estime que le problème du manque de carburant au Burundi se pose au niveau des transporteurs. Pour régler ce problème, elle annonce les activités en cours de préparation, notamment la construction d'un stock de carburant au niveau local, mais elle ne précise pas de délai suivi. La question de la pénurie du carburant au Burundi est revenue au cours de l'émission publique des porte-parole des institutions tenue en province Moravia ce jeudi. À ce sujet, le porte-parole du chef de l'État burundais, Rosine Guilaine Gatoni, rassure les Burundais que le carburant est suffisant dans les stocks du Burundi s'ils en Tanzanie. D'après lui, le problème réside au niveau des transporteurs. Le carburant est disponible dans nos stocks se trouvant en Tanzanie. Nous avons constaté sans cesse des contraintes, notamment dans l'optique selon laquelle il existe certains Burundais non animés par l'esprit patriotique comme ils se doivent, lesquels boycottent l'approvisionnement du carburant alors qu'ils détiennent des camions citernes ou qu'ils distribuent le carburant par favoritisme. Le problème majeur est donc le transport de ce produit depuis la Tanzanie. Le président appelle les investisseurs capables et animés de cet esprit patriotique à doubler d'efforts pour transporter les grandes quantités des produits pétroliers. Pour résoudre ce problème, ce porte-parole indique que le gouvernement prépare plusieurs activités, notamment la construction des stocks du carburant local. Parmi les activités en cours de préparation visant la résolution de ce problème, il y a la construction d'un stock de carburant au Burundi pour servir en cas d'approvisionnement en Tanzanie. Il y a aussi la recherche des camions citernes propres à l'État. Rosine Guilaine Gatoni rappelle en outre que les transporteurs des produits pétroliers, lesquels s'avéreront coupables du non-respect des engagements pris avec le gouvernement, seront traduits en justice. En tant que citoyen, si je décide de garer mon propre camion chez moi, c'est mon droit. Cependant, les personnes à qui on a donné les moyens d'importer du carburant, mais qui ne l'ont pas fait, et tout en ayant démontré qu'il s'agissait de leur profession, il est clair que celles qui s'avéreront coupables du non-respect des engagements pris seront traduites en justice. Les services habilités sont à l'œuvre. Ce porte-parole du chef de l'État burundais précise en outre que le transport des produits pétroliers par voie lacustre est en cours d'analyse. Jean de Dieu Irakoze et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, estime que l'une des causes majeures de cette pénurie du carburant réside dans l'attribution des marchés pour les importateurs de ce produit. Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM, indique qu'il y a monopole et appelle à la transparence dans l'attribution de ces marchés. Je vous prie de le suivre. La principale problématique est le problème des devises. Mais en second lieu, c'est le problème de monopole, où on attribue les marchés sans suivre aucune règle. On ne sait pas pourquoi. Donc pour nous, ce problème de transport, c'est un problème de second rang qui ne peut pas en aucune manière poser de problème, parce que selon les informations à notre disposition, la question se trouve ailleurs. Il faut que le gouvernement accepte qu'il y ait un problème d'approvisionnement, mais lié à ce point que je viens d'évoquer, le problème de devise, le problème de monopole et le problème de gouvernance en général. C'est ces trois problèmes qui doivent trouver des solutions. Parce que, souvenez-vous, je viens de dire qu'il y a plus d'une année que nous recevons des réponses différentes. Tantôt, ce sont les GPS, souvenez-vous. Les GPS, c'est les camions. Tantôt, les camions qui ne transportent pas le carburant. Tantôt, c'était le problème. Non. Mais pourquoi ces problèmes qui sont toujours évoqués par les autorités ne se trouvent pas dans les pays limitrophes? Pourquoi? Donc les problèmes, c'est ces problèmes-là que je viens d'évoquer. La question sociale, c'est ça. Il faut disponibiliser les devises. Il faut lutter contre le monopole. Il faut pratiquer la gouvernance. C'est cette solution. Il n'y a pas d'autre solution. Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM. Parlons éducation à présent. L'élève Christelle Ndeshimie du lycée communal Mugendo en commune Nega de la province Kirundo a été provisoirement relâché. Une information confirmée par l'administrateur communal Jean-Pierre Mbanzabugabo. Cet élève de la classe terminale avait été condamné par le tribunal de grande instance de Kirundo, accusé de dévoiler le secret professionnel ayant dénoncé la fraude des examens. Des associations œuvrant dans les droits humains demandent plutôt la protection de cet élève et le travail en synergie entre l'administration et la justice, et surtout travailler dans l'impartialité. Le point avec Abraham Safari. Comme le précise Jean-Pierre Mbanzabugabo, administrateur de la commune d'Onega, l'élève Ndayishimiye Christella du lycée communal de Mugendo a été libéré provisoirement ce samedi et a été acheminé dans sa famille ce dimanche. Cet administratif affirme lui-même amener cet élève dans la famille, comme l'avait souhaité le gouverneur de Kirundo, qu'il avait également déposé avec le commissaire de police à Kirundo au bureau communal d'Onega à la tombée de la nuit de ce dimanche. Dans l'association des femmes actrices de paix et dialogue, Abakanguri Amahoro, Spes Caritas Avyarimana demande le travail en synergie de la société civile et administration, et surtout de travailler dans l'impartialité pour avoir le Burundi de demain. Signalons que le tribunal de grande instance de Kirundo l'avait condamné de révélation du secret professionnel, ce qui est pourtant lié à la fraude des examens, ce que beaucoup de gens ont critiqué, surtout que l'élève n'a pas encore embrassé la carrière de fonctionnaire et ne sait pas non plus la loi qui régit le travail des fonctionnaires. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Parlons encore éducation, mais cette fois c'est en province Rumonge, c'est au sud du Burundi. 67 cas d'abandon scolaire pour grossesse non désirée ont été rapportés jusqu'au mois de juin de cette année, scolaire 2022-2023. Des précisions du directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, qui appelle à la synergie de tous les intervenants afin d'atteindre l'objectif zéro grossesse non désirée en milieu scolaire. Le point avec Jean-Pierre Misago. La commune scolaire de Rumonge vient en tête avec 45 cas de grossesse non désirée. Ensuite vient la commune Wuyengero avec 12 cas, Burambi 4 cas, Bugarama et Muhuta sont à égalité avec 3 cas chacune, selon les rapports parvenus à la direction provinciale de l'éducation de Rumonge au mois de juin dernier. Pour certains parents de Rumonge interrogés, ces chiffres sont alarmants et sont un signe éloquent que l'éducation des jeunes adolescents est en recul. Pour certains, les parents ont relâché dans l'éducation de leurs enfants. Pour d'autres, la pauvreté dans le ménage est à l'origine de ces cas de grossesse non désirée chez les jeunes élèves. D'autres encore expliquent que la culture burundaise a cédé la place à la modernité, surtout avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et une élève enceinte sur le banc de l'école n'est pas trop inquiétée comme dans le passé dans la culture burundaise. Les parents qui se sont exprimés trouve qu'il faut redynamiser l'éducation de base dans ce combat. Pour Isaac Ndikuriyo, directeur provincial de l'éducation de Rumonge, les pères éducateurs et les tantes choisies par les élèves sont à pied d'œuvre dans les différentes écoles. Mais leur action ne pourra pas redresser la situation si les parents, l'administration ne s'y implique pas activement, surtout quand les élèves sont chez eux et ils demandent aux corps éducatifs, aux parents, à l'administration et à la justice d'agir en synergie pour atteindre l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h11 dans le studio de Radio Isanganiro, poursuivons cette édition. 118 milliards de francs burundais, c'est le montant du crédit attribué à plus de 18 900 enseignants, membres de la Fondation pour le logement des personnels enseignants FLE en sigle. Société dit ce lundi en province Ngozi par Victor Ndabaniwe, président de cette fondation, lors de l'Assemblée générale du lancement officiel d'une microfinance des enseignants travaillant dans le secteur public. De son côté, Serge Ndereimana, délégué du ministère de l'Éducation, a indiqué que le gouvernement burundais va continuer à fournir des efforts pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Lors de cette assemblée générale constituante de la mise en place du statut législatif FLE Microfinance Société Coopérative qui a été initiée par la Fondation Logement des Personnels et des Enseignants, Victor Ndabaniwe, président directeur général de cette fondation, a indiqué que plus de 18 900 enseignants ont déjà bénéficié de crédits de plus de 118 milliards depuis 2008 jusqu'aujourd'hui. Serge Ndereimana, délégué du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, précise que les priorités du gouvernement du Burundi est d'améliorer les conditions de vie d'enseignants dans le but de promouvoir l'éducation au Burundi. La promotion des conditions de vie de l'enseignant est au centre des préoccupations du gouvernement de notre pays. En effet, il attend de ce secteur le capital humain requis pour la mise en œuvre réussie des programmes retenus pour conduire le Burundi vers le statut de pays émergents en 2040 et Burundi développé en 2060. C'est pourquoi le gouvernement ne ménage aucun effort pour soutenir et encourager toute initiative visant à améliorer, à valoriser l'enseignant. Dans cette perspective, le gouvernement du Burundi salue le pas déjà franchi par la Fondation pour le logement des personnels dans l'enseignement depuis sa création en 2006. Liboire Bigirimana a été élu président du conseil d'administration du FLE au moment où Gilbert Nyawakira a été élu président du conseil de surveillance. Dongozi, Jean-Marie Vianney Nakumana, Radio Isanganiro. Dongozi, rendons-nous un peu plus à l'ouest, en province Chibitoke, où s'observent des cas d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans cette province, et où le centre se trouvant à l'hôpital Chibitoke accueille en moyenne 10 enfants par mois. Les infirmiers indiquent que ces enfants consomment souvent de la pâte avec des feuilles de manioc communément appelées isombe sans ingrédients. À part cette ration non équilibrée, certains parents se confient à des chambres dites de prière avant les structures de soins, les amenant dans ces structures ayant déjà l'anémie. Les détails avec Alexis Ndairagidj. 10 cas de moyenne par mois des enfants souffrant d'insuffisance nutritionnelle grave sont accueillis dans un centre destiné à eux à l'hôpital de Chibitoke. Ces enfants sont logés, nourris et traités dans son centre jusqu'à la guérison. Pour ceux qui ne manifestent pas d'insuffisance nutritionnelle grave, ils reçoivent des médicaments et la nourriture et rentrent chez eux. Les infirmiers qui reçoivent ces enfants indiquent que des fois, ces enfants chez eux mangent de la pâte avec du repas des feuilles de manioc, communément appelé isombe sans ingrédients, d'où cette malnutrition, argument qu'ils partagent avec les gardes malades de ces enfants. D'autres parents, ces enfants, nous ont indiqué qu'ils avaient commencé à conduire ces enfants dans les chambres de prière avant de les conduire dans les structures de soins. sachant qu'ils ont été empoisonnés, les conduisant dans les centres de santé, ayant déjà atteint d'anémie. Au sein de l'administration d'Ochibitoki, on conseille à la population de ne pas écouler toute la production vivrière dans les marchés, afin de rester avec les vivres dans le but d'équilibrer la ration alimentaire. À part cela, on demande à la population de saisir les services de la santé avant les chambres de prière. Signalons qu'à la fin de ces semaines écoulées, les étudiants de l'Université Polytechnique intégrée du Chevalier de la province de Chibitoke avaient collecté des vivres et savons qu'ils ont distribués à ces enfants. Depuis Chibitoke, Alexine Deraguije, Radio Isanganiro. Sport, pour clore cette édition, la Fédération de badminton du Burundi a organisé samedi et dimanche un tournoi à l'endroit des jeunes filles et garçons de moins de 15 ans à mairie de Bujumbura. Bedindon de François, président de la Fédération de badminton du Burundi, indique que ce tournoi a été organisé dans le but de détecter les talents des jeunes qui vont représenter le Burundi aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 au Sénégal. Suivez-le au micro d'Alexis Ndaïlagidj. Nous venons d'organiser deux jours de compétition pour les jeunes de moins de 15 ans. C'était dans l'objectif de détecter les talents de jeunes badistes qui vont éventuellement nous représenter dans les Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront en 2026 au Sénégal. Nous avons donc invité des badistes en provenance de plusieurs provinces du pays. Et 5 provinces étaient représentées et ils ont dû choisir les meilleurs dans ces différentes provinces et ce sont eux qui se sont affrontés durant les deux jours. Donc il était question de diviser les joueurs en deux poules côté féminin et deux poules côté masculin et qui nous ont permis donc de créer des confrontations et ayant donc abouti au résultat que vous avez vous aussi vu aujourd'hui. Nous avons donc pu classer les participants en fonction donc de leurs résultats. Nous avons le premier, le deuxième et le troisième, et tant pour les filles que pour les garçons. Donc ces badistes seront encadrés, suivis, quitte à ce qu'ils soient aptes à représenter le Burundi dans les Jeux Olympiques de la jeunesse qui s'organisent donc en 2026 au Sénégal. L'appel est simple. Pour les joueurs, c'est que pour devenir un champion, on doit être préparé. On doit travailler. On doit s'améliorer sur tous les plans, sur le plan technique, mais également sur l'aspect physique, puisque le badminton, c'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts. Abedi François Ndondo, président de la Fédération de badminton du Burundi. Ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mireille Kanya.